Abu Umama rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je suis le garant d'une demeure au bas du paradis pour celui qui évite la dispute même lorsqu'il a raison, d'une demeure au milieu du paradis pour celui qui abandonne le mensonge même en plaisantant, et d'une demeure au plus haut du paradis pour celui qui jouit d'un bon caractère. Rapporté par Abu Dawud. Ils sont avec nous sans qu'on les voit, sans qu'on les sente, sans qu'on sache qu'ils nous hantent. Et nous ne sommes pas dans les bois. Ils circulent comme le sang, glissent dans les veines comme le vent. À travers ton verre de bière, tu le bois à chaque dispute, à chaque séparation. C'est pas pour rien que Drago va s'y périr pour faire leur but. Ils sont là où tu ne les attends pas, pendant que tu fumes ton joint. Ils surveillent avant les spues. Ils sont là de disparaître, réapparaître dans tes pires cauchemars. Ils t'influencent dans le mal jusqu'à que t'en aies marre. Là tu regarderas des mains qui sont faites pour l'or. Soi-disant, mais Tony ce n'est qu'un film. Eux ils exigent juste la fuite, te laisseront qu'une fois en prison. Bienvenue dans mon monde, bienvenue dans mon team. Ok, bienvenue dans ma team, là où tes pensées te brisent. Nous rejoignons, on danse avec les jeans. Le mal devient une mode avec un putain de feeling. Chayatine dans les cœurs, chayatine dans les âmes. Des femmes, des types, en fait des types en femme. Chacun son diagnostic, le monde part en couille. Aujourd'hui y'a plus d'embrouilles, plus de titres sur les schnecks. Les grosses convois et les pites, les meufs qui moulent. Quand t'es riche, les preuves qui te saoulent. Quand tu triches, et les ripes chez les filles. En fond du béton, belle qu'à la ruse. Reste auprès de ta mine, méfie-toi tes potes quand t'as la buse. En fond du béton, ma vie, ta vie, c'est la même. Mais t'as pas vu le réel effet de plein. Le gros jour, nous on danse avec les jeans. Avec un putain de feeling. Chayatine dans les cœurs, chayatine dans les âmes. C'est chacun ses âmes. De nos jours, nous on danse avec les jeans. Les moines devient une mode avec un putain de feeling. Chayatine dans les cœurs, chayatine dans les âmes. C'est chacun ses âmes. Avec ce morceau, je comprends les diables qui jouent avec ton esprit. Parano, angoisse, ils veulent fracasser ton esprit. Il est pour ceux qui boivent, ceux qui souffrent en cachette. Pour un oui ou pour un non, les gens bien qui tapent des essais. Ceux qui ont le cœur noir, salé par la douille. Une amitié solide qui se termine avec des pougnats. L'hypocrisie, les nanafils, plein de maladies. Il n'y a que Azraïl, nous suivent la sunna. Laisse tomber les bulles, souris aux mains voilées. Avant d'aller lui parler, laisse tomber une bulle dans la main d'un homme sain qui veut nourrir les siens. Fais la zakat, mais fais le bien et tu remporteras la lune. De nos jours, nous on danse avec les jeans. Le monde devient une mode avec un putain de feeling. Chayatine dans les cœurs, chayatine dans les âmes. Avec le diable, fais ce que t'as à faire et nique tout si t'en es capable. A tous ceux qui ont cru bloquer la route, Abès est toujours présent, il picrasse dans les nains. Stalpop, je l'ai fait avec mon âme. Stalpop, je l'ai fait avec le cœur. Stalpop, je l'ai fait pour qu'il t'évoie. A deux cris de plus, écoute-le pendant des heures.